Et je guette l'automne qui vient enflammer les arbres. Et je guette les larmes brûlées des nuages effondrés. Comme je guette cet instant inouï où tu cueilles mon attention, de ta douce beauté, je guetterai toute ma vie des moments comme celui-là qui disperse les brumes. Et je guette le vent tourmenté, dénudé les arbres. Et je guette la nuit qui crache son encre sur le ciel glacé. Comme je guette cet instant inouï où tu cueilles mon attention, de ta douce bonté, je guetterai toute ma vie des moments comme celui-là qui disperse les bruits. Elle se délecte de ce ciel de traîne qui semble charrier la peine. Et elle se délecte de ce parfum de pluie qui l'habille son jeu. Comme elle se délecte de cet instant inouï, elle ne remarque pas ses yeux qui la guettent. Il n'y a plus de place dans l'espace de ses bras pour le diable et